D'après Yonhap de Corée du Sud, les forces terrestres sud-coréennes ont livré le 22 à Yangpyeong de la province du Gyeonggi le simulacre de guerre interarmes contre le Nord. Au simulacre ont participé les infanteries, les artilleries, les corps du génie et les troupes motorisées. Les tanks, véhicules blindés, canons automovants et autres armements d'attaque ont tiré les balles réelles et les obus fumigènes sur le lieu fixé comme la région du Nord pour l'occupation.